Chapitre 35. Cet accident fut un avantage réel pour la partie géologique de mon voyage, parce qu'il me donna l'occasion de connaître exactement la hauteur de ma chambre au-dessus des couches d'alluvion qui forment le sol sur lequel est bâtie la ville de Turin. Mon cœur palpitait fortement, et je venais d'en compter 3 battements et demi lorsque l'instant où j'avais piqué mon cheval, lorsque j'entendis le bruit de ma pantoufle qui était tombée dans la rue, ce qui calcule fait du temps que mettent les corps graves dans leur chute accélérée et de celui qu'avaient employé les ondulations sonores de l'air pour venir de la rue à mon oreille, détermine la hauteur de ma fenêtre à 94 pieds 3 lignes et 9 dixièmes de ligne depuis le niveau du pavé de Turin. En supposant que mon cœur, agité par le rêve, battait 120 fois par minute, ce qui ne peut être éloigné de la vérité, ce n'est que sous le rapport de la science qu'après avoir parlé de la pantoufle intéressante de ma belle voisine, j'ai osé faire mention de la mienne. Aussi, je préviens que ce chapitre n'est absolument fait que pour les savants.